Analyse du 2 novembre 2022 par Thierry Pirlot, Sherpawan. Les trois audiences face à la compréhension des chemtrails et des événements actuels. Ce podcast contient des liens vidéo et quelques articles pour une meilleure compréhension des morgelons et les chemtrails. Cette vidéo fait suite à d'autres sur les éventuelles conséquences des épandages chimiques appelés chemtrails, de chemical trails, ou queue chimique, ou traînée chimique des avions de ligne, qui à certains endroits de la planète provoquerait un phénomène appelé morgelon. Cette vidéo, en descriptif, est explicite, et je vais donc me concentrer sur les niveaux de compréhension face à ces infos anxiogènes mais néanmoins bien réelles. D'après mes dernières infos, à 7h, les chemtrails ne seraient plus négatifs ou toxiques, et ce, depuis janvier 2022. Il serait désormais sous le contrôle de l'Alliance, ou du moins dans les pays sous son contrôle. Ce serait actuellement des chemtrails de correction et de régulation de notre atmosphère à des fins de nettoyage pour éliminer toutes les cochonneries qu'on nous balance sur la tête depuis les années 2000. Cela expliquerait du coup les nombreuses périodes d'accalmie et de beau ciel bleu observées cet été avec des formations nuageuses bien réelles, contrairement aux étés 2020-2021, plutôt catastrophiques, sous un ciel quasi permanent de nébuleuses voilées. Bien sûr, on n'a aucune preuve de ces changements intervenus au niveau des chemtrails, puisqu'il s'agit d'opérations militaires coordonnées à l'échelle planétaire. Toutefois, nous pouvons tenter de le comprendre à travers l'analyse de trois audiences. La première audience, trois quarts de l'humanité n'ont plus le temps ni de regarder ni d'analyser le ciel. Ils sont convaincus que ce sont en réalité des contrails, traînées de condensation, normales, lol, et que toutes les infos qui circulent sur la question ne sont que du complotisme aggravé. On a beau leur servir toutes les preuves sur un plateau, documents déclassifiés de 1950 à 2000, révélations du département d'État US de moins de 4 ans, preuves scientifiques mais rien n'y fait. Nous sommes entourés de sourds qui ne veulent pas entendre et d'aveugles qui ne veulent pas voir. Ils sont enfermés dans leur petit univers matriciel, conformiste et matérialiste, et dominés par la peur inconsciente qu'ils ne s'effondrent. Ce qu'ils feront de toute façon tôt ou tard, c'est garanti. Que ce soit pour les chemtrails ou pour tout le reste, la chute n'en sera que plus lourde et douloureuse pour cette première audience, bien heureuse de continuer sur son chemin, sa dissonance cognitive n'ayant d'égal que son ignorance crasse. La deuxième audience, soit un quart de l'humanité, surtout occidentale. Elle est consciente de la réalité des chemtrails par acceptation et compréhension de l'analyse des infos alternatives qui sont de plus en plus nombreuses sur le sujet. Elle est constituée en général de vrais éveillés. La troisième audience, elle est marginale et ne représente qu'une toute petite fraction de ce quart restant. Et à l'heure actuelle, elle passe même pour être les uluberlus de service aux yeux de la communauté des éveillés, eux-mêmes déjà complotistes à travers le prisme du troupeau. Cette minorité est celle qui a décidé de mettre tout son temps à essayer de comprendre l'entièreté des détails de ce plan machiavélique mis en place depuis des décennies. Mais tenter de vouloir tout savoir sur tout n'est pas accessible à n'importe quel individu soi-disant mentalement stable et qui gère sa vie familiale et professionnelle de manière linéaire. Et pourquoi ? Eh bien parce que la compréhension des détails du plan de ces psychopathes est extrêmement chronophage. C'est pourquoi il y a toujours un prix à payer quand on fait passer cette recherche avant tout ce qui semble normal et important aux yeux du troupeau. Passer 5 à 8 heures par jour pendant des années à chercher, à lire et à écouter des vidéos ou encore à tenter de démêler le vrai du faux, à en partager les résultats par mail ou sur les réseaux, fait que immanquablement on y laisse des plumes. Aussi, chacun a ses propres choix à faire, à son rythme et avec le temps qu'il s'octroie en toute intelligence. Ou non. L'audience 1 ne veut pas perdre une seconde de sa life pour comprendre des choses qui lui sauveraient probablement la vie. L'audience 2 veut savoir ce qu'il se passe réellement dans son dos, car elle pressent le danger grâce à son cerveau reptilien plus ou moins intact, mais pas à n'importe quel prix. Elle y consacre néanmoins beaucoup de temps, mais pas encore suffisamment, ce qui ne l'empêche pas d'être ostracisée par tout son entourage et taxée de complotisme suite à ses propres découvertes. Les personnes de la troisième audience, dont je pense faire partie, n'ont plus aucun problème ni complexe à entrevoir et à comprendre ce plan supérieur et bienveillant, aussi fou et démentiel qu'il paraisse et dont les forces en présence dépassent notre entendement. Mais le tribut est lourd, très lourd, car ce temps volé à la famille et aux amis ne se rattrape plus. Ça génère de gros dégâts collatéraux, psychologiques chez les plus fragiles et parfois familiaux, jusqu'à consumer le couple, lequel ne peut plus survivre faute d'adéquation commune. Pour ce qui est des amis, n'en parlons pas. Les bergers et les contrôleurs le savent, et leur priorité est de nous diviser et d'occuper au maximum le troupeau. Même s'ils sont conscients que des brebis galeuses ne gobront pas le narratif quoi qu'il en coûte. Leur arme fatale, les médias, tous, et je dis bien tous, sont sous le contrôle des opérateurs de la doxa dominante. Cette minorité, qui commence à entrevoir la réalité et la complexité de leurs sombres plans, est très dangereuse pour eux, mais pas encore suffisamment représentative. C'est dans tous les cas ce qu'ils croyaient. Et là fut leur pire erreur stratégique. En effet, fin 2017 a eu lieu l'enclenchement de l'opération des révélations via des organismes de renseignement tels que Q, et de ces 4958 drops, Majestic 12, qui diffuse des infos depuis bien plus longtemps, ou autrement, ou encore via au moins 5 autres Intelcom moins connus, mais tout aussi efficaces. Ces organismes ont réussi à inverser le narratif en créant une résistance de patriotes, non seulement américaines, mais mondiales. Évidemment, il serait tentant de qualifier ces organes de communication, d'opposition contrôlée, mais cette hypothèse est passée chez moi de 50% en 2020 à 10% aujourd'hui. L'intellect des bergers psychopathes étant bien supérieur au mien, je me laisse cette marge de sécurité. Cependant, cette troisième lecture est à vrai dire assez inconfortable, surtout lorsqu'elle est expliquée à la deuxième audience. Cette audience est éveillée, certes, mais depuis peu, et même si elle est déjà capable de comprendre les chemtrails, la psyop sanitaire ou les enjeux géopolitiques réels, elle reste en général assez perplexe sur certains points majeurs, notamment ceux concernant l'opération de mise en esclavage de l'humanité via le transhumanisme, le plus souvent par manque d'informations et donc de pièces du grand puzzle. Nombreux sont donc ceux de cette audience 2 qui actuellement, par exemple, croient en la dangerosité des thérapies ARNM et en la fabrication humaine du virus Covid-19 dans un labo chinois. Ils auront du mal à accepter qu'en fait il n'y a probablement pas d'ARN dans ces injections, que ce n'est qu'une opération de diversion, qu'elles contiennent seulement de quoi tracer les survivants via des nanoboots et handicaper, voire exterminer, une partie de l'humanité par des parasites chimères biosynthétiques et non des virus. Cela dit, en cherchant un peu, ils sauraient que les virus, s'ils existent, n'ont jamais été les meilleurs vecteurs biologiques pour une extermination de masse. Nous avons donc, hormis l'aveuglement total de l'audience 1, une double lecture à géométrie variable chez les éveillés ou les supra-éveillés. Il en va de même pour la géopolitique et la compréhension de la guerre en Ukraine, du vrai rôle de Poutine, de celui de Trump à l'avenir et même de celui de Xi Jinping qui a débuté le nettoyage de son parti communiste et qui reprendra possiblement Taïwan avant la fin de l'année. En réalité, nous sommes dans une lutte à mort entre le bien et le mal. Et même si c'est une vision binaire qui paraît aussi simpliste que le narratif de la guerre des étoiles, le bien avec une alliance humaine mondiale et le mal avec un deep state humain ou non implanté dans tous les pays. La lutte à mort des bergers pédosatanistes et lucifériens pour faire perdurer un système carcéral mis en place depuis la nuit des temps face à une partie de l'humanité décidée à ce qu'il en soit autrement. Le rôle joué par toutes les entités mortifères, ONU, CIA, OMS, ONG, OTAN, Union européenne, services secrets, etc., qui sont pour la plupart complètement inféodés, infiltrés et cooptés au fil des décennies par les bergers. Cela explique notre situation actuelle et l'impression d'extrême lenteur que met cette alliance à inverser la vapeur tant la tâche est méga gigantesque. Nous sommes donc, nous tous, les Européens à nos corps défendants, en territoire ennemi, prise au piège de la fourmilière kabbaliste dont nos élites politiques sont les caniches. Ceux que l'on désigne comme nos ennemis sont en fait nos amis. Et notre seul espoir de rédemption se trouve dans cette alliance que peu de gens comprennent, mais dont l'existence transparaît pourtant à travers une grande construction qui se déploie sous nos yeux, celle des BRICS. À cela s'ajoute le QFS, Quantic Financial System, ou système financier quantique, qui sera la nouvelle norme économique de ces BRICS et tôt ou tard du monde civilisé, une fois achevée la destruction contrôlée de l'ancien monde unipolaire. Tâche à laquelle s'emploie actuellement Poutine, non pas par une guerre éclair, mais par une guerre d'usure afin d'établir tout l'Occident, USA y compris. L'objectif final est de mettre au sol toute cette engeance satanique dont le seul but est de détruire les familles, diviser les hommes et les femmes et les séparer de leurs enfants en leur imposant un modèle LGBTQ+, via une sexualisation à outrance. Ce modèle que nous semblons accepter chez nous ne passera pas par la Russie ni par aucun pays des BRICS. Il est venu le temps de comprendre qui nous suivons aveuglément. En audience 3, certains y voient également une aide extraterrestre bienveillante, une lecture différente de la Space Force créée par Trump et des projets de voyage dans le temps tels que Looking Glass qui pourrait expliquer la précision dans les prédictions des drops de Q et de leur delta, intervalle de temps futur, de 2 ou 3 ans. Je suis intimement convaincu que plus c'est gros et plus cela passe, et que même si la compréhension et le ressenti de chacun est fort différent par rapport à la réalité des événements, nous vivons la période la plus étrange, la plus fascinante et la plus énorme en termes de complexité et de remodélisation complète de notre monde afin qu'il accède à sa propre étape d'évolution. Cependant, ce changement de réalité ne peut se faire que par l'humain et sa prise de conscience dans ce nouveau monde passera par le grand réveil, The Great Awakening, dont l'importance est capitale pour y accéder en nombre. La fin de l'histoire ne sera donc pas une mise à sac de l'humanité par les mondialistes, avec transhumanisation complète de tous les humains et esclavage généralisé 2.0 généré par IA, même si cela en prend tous les airs et tous les chemins. Nous ne sommes plus dans la première temporalité annoncée depuis des siècles par les Nostradamus ou autres visionnaires de la Bible, ni dans les prévisions d'un Nathalie qui prenait un malin plaisir à nous exposer son plan mort-né dicté par ses maîtres de la Kabbale. La fin est belle et rien ne pourra changer la deuxième ligne temporelle qui, à l'instant T, a déjà été empruntée. Nous vivons donc une fiction, un grand film dont tout le scénario est sous contrôle, dont le seul but est de finir de nous éveiller en nous montrant ce à quoi on aurait eu droit sans l'intervention d'une alliance terrestre, extraterrestre peut-être, et pourquoi pas divine. Nous avançons de façon inéluctable vers un âge d'or. Toutefois, il nous faut encore le mériter. Alors, hold the lines, gardons nos lignes et ayons foi dans le plan. Sherpa One.